Aïe, l'Estat, état-major, VS, Épinezou, la justice, Orgemont, Super M, hein, le flow sur la détente, 6 balles prêts à partir, hein, Free Kick Style, je pose ma cause à Nostra, un rap sans anomalie, le train de vie d'un Somalien dans une animalerie sur mesure. Cache comme LVMH, le beat découpé en tranches quand mon écriture est trash. C'est dans les bons coups qu'on voit les meilleurs spots. C'est dans les mauvais coups qu'on voit les meilleurs potes s'arracher du bitume pour ne plus prendre de risques. Je veux le vivre en or du portier du rite. Y'a rien ici, sans issue, t'es indécis, parfois déçu. Monte en l'air si on te marche dessus. T'étaler comme la botte le fait à l'Italie. S'il t'a vu t'allume, perds pas ton temps à viser la lune. Si t'arrêtes, c'est que t'es foutu dans ta tête. Si tu veux me la mettre, c'est que des pédés t'ont fait naître. Crame tes neurones, de l'urine sur ton veston. Change de ton, mais trop tard pour changer de son. Certains, la rue est leur seule solution. Pour une minute de gloire, l'homme change de direction. C'est la révolution, génération de tension. Ça pète les plombs, en détention. Du mal à assumer quand le maxime est. Ton heure a sonné, tu te fais calciner. C'est ainsi que s'achève le rêve de cité. Une pensée pour tous ceux que la rue a déraciné. On combat au quotidien, on survit parce qu'on y tient. Resté parmi les anciens, les gens bien malgré qu'on commet des fautes. Personne n'est parfait, donc rien à foutre mec. Tout le monde est au parfum. Que des histoires sans fin, sans foi, ni loi. Peu d'espoir s'en sortir dans la rue. Renoir, Rapza, crois-moi qui vivra, verra le monde sans toi. Tout à pas de sang lyrical, voilà ce que je veux dire. Rafale de rime à l'aveuglette, à la Stevie Wonder. Animalien, soldat prêt, toujours déter. Le rap franchi, je les ken, voilà pourquoi le matin d'adultère. Le hip-hop est dead, car les gens partent, les gens meurent. Mon rap te fait trembler, comme si t'as attrapé l'Alzheimer. À la radio, y'a des tubes que j'aime pas trop. Alors si tu brandis ton sabre, moi je brandis le zapacto. Je rime avec les assonances, surtout avec insolence. Le rap de Depp, on s'en lasse. Rafale lyrical qui s'annonce, vient fermer des clapets. L'instru l'a claqué, il reste que des sons comme ma rime. Tête d'éclater, état majeur mon cartel, super est mon quartier. Si tu serres les fesses, moi je viens les écarter. Au mec représente Morzou, McFly, Doucet, Altes, Lestat, FN. De moi les tours tombent, certains veulent changer ma vie. Écraser mon histoire en secret, donc changer ma vie. Percussion sans préavis à vivre. Un cauchemar, les yeux ouverts, je vois du vide. Donc je vais cracher mon venin, poser à la bombe sur beat. Chaque jour est une page sans garantie, mort subite. Se donner à fond, c'est tout ce que je fais. Faut que les regrets et la jalousie, puis tout ce que je traîne. Au quotidien, ce que je traîne. Un vilain boulet au pied, tellement le blues que je pourrais chanter du John Coltrane. Frère, plus le droit à l'erreur depuis que je suis père. Déterre, comme un kamikaze, chuté à l'éther. Dans un monde sans repère, mes toi et jeans font la paire. Tous nos types sont du père, très peu de règles en enfer. Ah, hargne, assidu et précis, stressé mais structuré, donc les vrais apprécient. Voilà un sourire sans dit long, je sillonne la zone et je vois trop de mythos qui viennent sans se mettre à l'aise. Artec, mais ton brolique je le trouve feignant, Star Trek. Check ton vécu, c'est de la fiction, tiens un peu d'action. Vois par toi-même, on a la passion de la rime, pas la bêtise qui fout les petits dans la merde. T'es qui? Tu parles de crack, de clic-clic, de pi. Si ça t'inspire, je coupe le tuyau, on dirait Guy. Ici c'est pas la Tchétchénie ni plus belle la vie. Trop point élevé la voix, vous t'arrachez. C'est-à-dire, t'es qu'un stick de vieux popo. Moi je vais atteindre mon but sans manquer au poteau. Trop de stars doivent stare, fuck le rap de Mouchard. Mais ce rien ira prêt, la tâche aurait été simple pour Broussard. Je viens débroussailler le rap musique, MC minoritaire. Moi tout ce qui est dans je dis nique. Dis-moi ce que tu veux, c'est les soucis font l'effet d'une boule de neige. Et ben mon flow fera l'effet d'une boule de feu. On s'envoie l'air un de vos théorèmes de Pythagore ou Thalès. On prend des risques et à faire des tractions au bord d'une falaise. Et puis est sur scène à l'appui, sur la détente on appuie. Pleut des bras, donc sortez vos parapluies. Je préfère donner ma langue au chien que ma langue au chat. Donc t'étonne pas si tu me vois lécher un os à la place d'une chatte. État major, c'est véridique, t'es pas taille. Avec un style en béton et pas un style en bétail. Si tu savais ce qu'on valait, notre son tourne dans les caisses pendant que le chien tourne dans une machine à laver. Allez bouge de là, renvoie ta pipe. Les coyotes des chemins déjà séquestrés, bip bip. V-R-A-I, toujours jusqu'à l'overdose. Au-delà des apparences, je suis fusillé dans un bouquet de roses.